La délégation conjointe des partis politiques de Russie et des pays de la communauté des États indépendants en visite en Corée et l'ambassade russe en Corée ont fait don des livres à l'université Kim Il-sung. La cérémonie de remise de dons a eu lieu à la bibliothèque électronique de l'université le 30 mars. Y ont pris part les cadres intéressés comme le premier recteur adjoint de l'université Kim Il-sung, la délégation russe conduite par Kazbek Taïsaev, chef du groupe des parlementaires d'amitié russo-coréenne de la Douma et secrétaire du comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, ainsi que les diplomates russes en Corée, l'ambassadeur Alexandre Matsirora en premier lieu.